se mêle dans la soupe. Ouais, faut que tu m'écoutes, j'en mets 201. Dans ma tête y'a plein de succès, dans ma tête y'a plein de fortune. J'en ai marre des bagarres, vite des stars, des bâtards. Je n'ai soutenu en sous tes paroles, le diable paru sous un placard. Tout du bon moment, y'a peu de propos, tu rêves dans mon poteau. Ici on va finir une vie de mère avec ou sans boulot. Son fond insongeable, jamais baisser les bras. Et ta tête au sommet, même on est venu du plus bas. Je suis hyper maléfique, ouais j'ai plein de stratégies. Conquis super pathétique, on les a tués, on les a acquis. Sans esprit.